19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine métal du mardi soir. Et bien, ravi de vous retrouver une fois de plus pour ces 2 heures de métal en fusion qui vont vous décrasser les oreilles, le cerveau et tout le reste, j'imagine, bien sûr. Donc ce soir, et bien, pas mal de petites choses, 4 nouveautés et puis des petites choses un petit peu plus anciennes, bien évidemment. Eh bien, on va faire un petit survol aussi de tous les genres et sous-genres qui composent notre style musical préféré. Mais enfin bon, si vous êtes devant votre transistor, je pense que vous connaissez l'émission qui est quand même un 766e numéro depuis bientôt 18 ans déjà. Eh bien, on va commencer très rock'n'roll avec le groupe qu'on aime adorer et détester, Greta Van Fleet. Alors, vous allez soit crier au génie en disant c'est la réincarnation de Led Zeppelin, ou alors hurler au plagiat. Enfin bref, il n'y a pas juste milieu. Enfin, toujours est-il que le Starcatcher, par contre, il n'y a rien à redire. C'est du tout bon quand même, malgré tout. C'est bien joué, c'est pro. En fermant les yeux, on s'y croirait. Extrait donc de cet album Starcatcher sorti cet été, c'est Fate of the Faithful qui ouvre Electric Shock ce soir. Yeah! la copie, place à l'original. Bon, bah, vous aurez reconnu, j'imagine, sans problème, le classique de Led Zeppelin, Dancing Days, extrait de l'album Houses of the Holy, qui était leur cinquième sortie en 1973, donc il y a 50 ans tout juste. Et là, je vous ai choisi une version, un rough mix with vocal, qui figure sur la version remasterisée qui était sortie en 2014 avec des bonus, avec des prises alternatives de toutes sortes. Et ça, c'est en hommage donc à John Bonham, leur légendaire batteur qui nous a quitté il y a de ça exactement 43 ans, le 25 septembre 1980 exactement. Et John Bonham, bah, on peut le retrouver partout. Si vous écoutez quasiment n'importe quel sample, je pense que tous les rappeurs et tous les DJ ont samplé son son de batterie. C'est la norme en la matière. Avant les Zeppelin, eh ben, c'était donc, on va dire, le fils spirituel, la réincarnation, donc Greta Van Fleet, et leur nouvel album Starcatcher, c'était donc Fate of the Faithful. Et bien, on va se faire la première nouveauté de la semaine. Alors, pour ça, je vais vous emmener à Toulouse, retrouver un groupe qui s'appelle Tempt Fate. Alors, Tempt Fate est un groupe de death metal furieux, mais bon, comme l'est le death metal, hein, bien sûr, qui existe depuis un petit moment. Ils avaient déjà sorti un premier album en 2018. Là, ils viennent de sortir leur deuxième, la tout chaud, qui s'appelle Holy Deformity. Enfin, album, moi, j'aurais tendance à dire que c'est presque un EP, même s'il y a 8 titres. L'album ne fait que 30 minutes. C'est pour vous dire que ça envoie, c'est bref, ça va droit dans la gueule. Enfin, bref, voilà, c'est du death metal comme on l'aime. C'est puissant, méchant, en même temps sombre, inquiétant. Voilà, il y a tout ce qu'il faut. Les amateurs vont apprécier. Extrait de cet album, Godhead's Ear. Breaking on the door and you like our bones. allers-retours express du Brésil à l'instant où on vient de d'écouter donc les harpies de Crypta et leur deuxième album Shades of Sorrow, et c'était Poisoning Empathy, le morceau de ce soir, donc Shades of Sorrow, qui est sorti début août. Là, tout nouveau, tout beau, tout chaud, puisque c'est sorti vendredi et c'est la première nouveauté d'Electric Shock, les Toulousains de Tamed Fate et leur deuxième album Holy Deformity. Et là, vous avez pu vous décrasser les oreilles avec God Ends Here. Pour nous remettre nos émotions, je nous propose de faire un petit tour en région parisienne, retrouver l'album de Pyrish, You're in Both Dream and You're Scared, avec le morceau Amanita. Seeing her eyes, wasting your mind. Incendiary, un extrait de Memorial, le nouvel album de Soen, le groupe Soen, qui sera en concert à Paris, à l'Élysée Montmartre, le 15 octobre prochain. Juste avant Soen, donc, les Parisiens de Parish et leur album You're in Both Dream and You're Scared. C'était le morceau à Manita. Maintenant, eh bien, restons chez nous à Orléans. Continuons donc à découvrir l'excellent premier album de Pledge of Healing, One Step Closer, que je vous ai présenté la semaine dernière, bien qu'il soit sorti début janvier. D'ailleurs, un grand merci à Cyril et à Claire pour m'avoir envoyé l'album. D'ailleurs, si vous êtes à l'écoute d'Electric Shock, prenez contact avec moi. Moi, je serais ravi de vous accueillir pour qu'on discute de tout ça. En attendant, eh bien, on va continuer la découverte de cet album avec Life Explorer. tout en douceur. C'était One Life Explorer, un extrait de One Step Closer, le premier album de Pledge of Healing, un groupe d'Orléans, je précise, dont c'est vraiment le premier album très très réussi, comme vous pouvez le constater. Changeons de style, allons faire un tour en arrière, on va dire, du moins dans le style, parce que c'est un groupe assez moderne. Enfin, assez jeune, on va dire, quelque part, avec la deuxième nouveauté de la soirée, avec un groupe qui s'appelle Uncle Acid and the Deadbeats. Alors, avec un nom comme ça, vous dites, oulala, ça sent la fumette et voir le champignon hallucinogène, et vous ne seriez pas très éloigné de la vérité. Alors, Uncle Acid and the Deadbeats, ils existent depuis 2009, ils ont déjà sorti 5 albums. Ils ont fait la première partie de Black Sabbath sur la tournée européenne de 2013, c'est là d'ailleurs que je les avais découverts et je n'avais pas déçu du voyage. Alors, musicalement, pour simplifier, on va dire que c'est du stoner. Enfin, ils se décrivent eux-mêmes comme un mélange de Black Sabbath, du Alice Cooper du tout début des années 70, un peu de Stooge aussi, mais enfin en plus carré. Et moi, je rajouterais aussi une pincée d'Hawking là-dedans. Donc, Uncle Acid and the Deadbeats, donc ils viennent de nous sortir un live là cet été qui s'appelle Slaughter on First Avenue, qui a été enregistré donc à Minneapolis dans un club. Voilà, qui s'appelle le First Avenue, et c'est extrait de deux concerts, un en 2019 et un en 2022, donc voilà, un petit best-of de leur carrière. Et ben, ça vous dit découvrir, donc tout de suite, plongeons-nous dans les Crystal Soldiers. This is a song called Blood Runner. Blood Runner et Crystal Spiders, donc deux extraits du double live Slaughter on the First Avenue de Uncle Acid and the Deadbeats. Avouez qu'on croirait vraiment à live des années 70. Hein. Je pense que le son a dû être vraiment retouché que le strict minimum. Et c'est comme ça qu'à live, ça doit être à mon avis. Rentrée des classes, bah avec les Girls' School, c'est leur 45e. D'ailleurs, c'est pour ça que leur album s'appelle WT45. D'ailleurs, ce sont les premières surprises. En attendant, Barmy Army, c'est tout de suite maintenant. Do any séquence retour vers le futur, puisque à l'instant nous étions en 1985. Et oui, Electric Shock vient de ranger la DeLorean dans le garage électrique. Je vous rappelle qu'Electric Shock, c'est tous les mardis soirs entre 19h et 21h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. C'était les Poison Dollies avec un extrait de leur album éponyme sorti donc en 1985, Where You Are. Alors, les Poison Dollies, c'est un groupe de jeunes filles qui avaient entre 19 et 22 ans des années 80, qui étaient originaires du New Jersey, qui ont sorti donc un album éponyme. Et après, qui ont composé, continué à écrire. Ils ont fait deux, trois morceaux qui ont abouti sur une bande originale d'un film, et après, plus rien. Et toujours est-il que l'excellent label Bad Reputation a ressorti ça cet été, donc l'intégrale donc du groupe, c'est-à-dire ce premier album éponyme plus tous les inédits du groupe. Voilà, donc pour les amateurs de groupes un petit peu obscurs, Bad Reputation, c'était un label vraiment absolument excellent. Juste avant Poison Dollies, bon, on les présente plus, nos écolières préférées, les Girls School et leur nouvel album WT45 et le morceau Barmy Army. Un petit peu de grindcore maintenant avec le super groupe Empire State Bastard, fondé par Simon Neal de Biffy Clyro, Mike Venard, qui est également musicien additionnel du groupe Biffy Clyro et aussi ancien membre de The Oceanside, et Dave Lombardo, ex-Slayer Testament, qu'on ne présente plus. Tout ça, ça nous donne un album de fou furieux qui s'appelle Rivers of Eredzy, et le morceau qui va nous décrasser les esgourdes, c'est Moi, en français, tout simplement, avec un point d'interrogation. Blink and you're missing it. Marseillais de M-A-T-W, ce qui signifie Me Against the World, avec un nom comme ça, on a compris qu'ils n'étaient pas là pour faire de la couture. Extrait donc de leur dernier EP, Through the Looking Glass, qui est sorti début septembre, et c'était le morceau Spoiled. Des Marseille aux États-Unis, il n'y a qu'un pas qu'on a franchi avec les Empire State Bastards, qui étaient juste avant, avec un extrait du premier album Rivers of Heresy, et c'était le morceau Moi, avec un point d'interrogation. Et oui, le morceau est en. Enfin, le titre est en français. Et il est quasiment 20h, on va se faire donc la troisième nouveauté de la soirée. Alors là, on va changer complètement de style, puisque Electric Shock va se muer là en classique shock, avec le nouveau live de Taria, l'ancienne chanteuse de Nightwish, qui nous a délivré un live cet été un petit peu spécial. Enfin, on est habitué quand on connaît la finlandaise. Car... lors de son séjour au Wacken l'année dernière, en 2022, elle a profité de faire un petit séjour à l'église pour prier, je ne sais pas, mais en tout cas pour faire un concert vraiment intimiste, accompagné de son violoncelliste habituel, qu'on retrouve sur scène, ainsi que d'une violoniste et d'un pianiste, tout simplement. Et elle a décidé donc de faire un concert quand même principalement composé de reprises, des trucs assez surprenants, puisqu'on y trouve un morceau de Joe Satriani, du Megadeth, du Rammstein, du Metallica, bien sûr des classiques de sa carrière solo ainsi que de Nightwish. Mais donc cet album qui s'est sorti donc début août, qui s'appelle Rocking Hills Live at Metal Church, il y a également aussi dessus une superbe reprise surprenante de Linkin Park, Numb, original qu'on pouvait donc trouver sur Meteora. Ben tiens, je vais le dédier à ma cousine Sophie, qui je sais est une grande fan de Linkin Park. Alors ça, tu vas m'en dire des nouvelles. Numb, Targa, donc troisième nouveauté d'Electric Shock ce soir. So faithless, but under the surface, don't.

vous prenez l'émission en cours, vous ne vous êtes pas trompé de station, vous êtes bien sur le 96.2 et c'est bien Electric Shock. Actuellement, Electric Shock tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Là, c'était la pause acoustique, on va dire Classic Shock avec le nouveau live de Targa, Rocking Hills Live at Metal Church, enregistré donc à l'église du Wacken pendant ce festival, où la Finlandaise s'est amusée donc à reprendre des classiques, des morceaux de métal à une sauce vraiment beaucoup plus intimiste. À l'instant, c'était Alias, un morceau de In Flames qu'on peut trouver sur l'album Sense of Purposes qui était sorti en 2008. Et juste avant, c'était le classique de Linkin Park, Numb, qui à l'origine figurait sur Meteora, leur album qui était sorti en 2003. Eh bien, on va se faire quelque chose de plus électrique avec un des coups de cœur de l'émission, le nouvel album de Mammoth WVH, le fiston Van Allen, qui nous a sorti un deuxième album somptueux. Et on va se faire un morceau assez épique qui s'appelle Take a Bow. No! j'adore. C'était Take a Bow, Mammoth WVH, extrait de deuxième album Mammoth 2. J'adore le solo, en plus le petit clin d'œil, un hommage au père Eddie. Vraiment le petit fiston, il ira très très loin. Un petit peu de heavy metal maintenant, ça vous dit? Bah tiens, on va revenir à un vieux de la vieille, à Udo Dirk Schneider et son 19e album solo Touchdown, et on va s'envoyer tout simplement Touchdown. We have been turned to a gun. que ça fait du bien de réécouter ça. Firepower, Judas Priest, extrait donc de l'album du même nom qui est leur dernier opus sorti déjà en 2018, déjà 5 ans, et vraiment un album qui a été une très très belle réussite. Et Judas Priest qui devrait nous sortir un prochain album au printemps 2024. Bah, j'espère qu'une chose c'est qu'il soit ne fût-ce qu'aussi bon que cet album. Et d'ailleurs, ils seront en concert début avril à Paris, au Zénith, en compagnie de Saxon. Oh putain que ça promet d'être bon, ça. Juste avant Judas, c'était Udo et son nouvel album Touchdown, et c'était le morceau éponyme, tout simplement. Un petit peu de hardcore maintenant, pourquoi pas, hein? Bon ouais, il en faut un petit peu. Eh ben tiens, on va revenir au nouvel album de Forest in Blood Abyss, sorti cet été. On va se faire un titre qui est interprété en français, qui s'appelle « À la vie, à la mort ». Here is it all. Ça faisait un petit moment qu'on n'avait pas passé les Frenchies de Swarm et leur EP Made in France. C'était le morceau Sanbiki no Saru, un titre curieusement japonais. Vous savez, ça parle des trois petits singes. Il y en a un, donc celui qui se bouche les oreilles, l'autre qui se ferme la bouche et l'autre qui se ferme les yeux. Donc je ne vois rien, je n'entends rien, je ne dis rien. Voilà. Et curieusement, le titre est en français. Voilà. Enfin, en tout cas, ça crasse les oreilles. Juste avant, c'était Forest in Blood avec leur dernier album Abyss sorti au mois d'août et c'était le morceau À la vie, à la mort. On va changer complètement de style avec la dernière nouveauté, puisqu'on va se faire le live posthume de Rory Gallagher, qui est sorti All Around Man Live in London, qui est sorti début juillet. Un concert enregistré donc fin 1990, au moment où le guitariste irlandais sortait son ultime album studio, Fresh Evidence, à ce moment-là. Donc ce double live, évidemment, vous doutez bien qu'il y a plein de classiques, des reprises, passages acoustiques, enfin, comme toujours, c'est somptueux. Et là, je nous ai choisi un extrait donc de l'album Fresh Evidence pour ce soir. Voilà, Kid Gloves. Robert John and the Wreck avec un extrait de son CD DVD Live at the Ancienne Belgique sorti au printemps dernier. C'était Do You Remember? Et Robert John and the Wreck qui sera en concert donc jeudi soir à Talcy à côté de Beaugency au Caisson. Et je vous ramènerai une petite interview exclusive de ça et puis je vous en reparlerai donc la semaine prochaine de tout ça. Juste avant, c'était la dernière nouveauté de la soirée, le live posthume de Rory Gallagher, All Around Man Live in London, enregistré donc à Londres en fin 90. Et c'était le morceau Kid Gloves. On va se faire quelque chose de maintenant de beaucoup plus atmosphérique et on va faire un petit tour en Suède. Et on va retrouver l'album de The Abbey qui est sorti en début d'année, World of Sin, avec le morceau Starless. tout en douceur, tout cool. Donc les Suédois de ZABI avec leur premier album World of Sin, c'était Starless à l'instant. Eh bien, Electric Shock va bientôt s'achever, mais bon, on va se faire quelque chose, on va terminer avec un truc un petit peu plus péchu. On va revenir aux Frenchies de Sleazy's et leur deuxième album Glitter Ghouls From Hell, si vous voulez bien, avec toujours ce mélange de punk, de rock, glam, enfin, horrifique, avec un petit morceau qui le fait bien, qu'ils ont peut-être joué d'ailleurs samedi soir au Dropkick Party Is Not Dead. C'est tout de suite maintenant. Horrifying secrets. Ready yet? Yeah. petit et dernier retour vers le futur, oui, puisque nous étions en 1984 avec le premier album de Wasp et le morceau Alien, donc qui termine Electric Shock ce soir. Eh bien, merci encore d'avoir été à l'écoute de Magazine d'État. J'espère vous retrouver la semaine prochaine encore avec de nouvelles aventures, mais... et normalement une petite interview de Robert John and the Wreck. Enfin, ça, on en reparlera. Le before pour tous les nightclubbers, c'est tout de suite maintenant avec Electro Live et Christophe qui est juste à côté, qui est en train de s'échauffer. Ça ne se voit pas dans le studio, mais comment vas-tu Christophe, tu es prêt? Salut, ça va, bonsoir à toutes et à tous. Qu'est-ce qui attend les auditeurs de Radio Arc-en-Ciel ce soir? Un set tech house, sauf si d'un seul coup j'ai envie de jouer de la house. Voilà, donc, c'est le tech house. Donc ce sera selon l'humeur de l'animateur si je comprends bien. Tout à fait. Voilà, donc, voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Restez branchés sur Radio Arc-en-Ciel, car Electro Live, c'est tout de suite, maintenant. Et à la semaine, moi, je vous dis à la semaine prochaine. Salut!